L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. De golf avec notre ami Rémi Curtinus, c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime. Salut Rémi! Rémi, bonjour, on va parler d'abord de ce qui s'est passé en fin de semaine. Comme la plupart des clubs, c'est les championnats du club. C'était le championnat du club ici à Dolbeau, il y a eu le junior. Chibougamau a tenu leur gros tournoi et également Dolbeau, mais Saint-Prime, c'était en fin de semaine. Hey, pourquoi vous tenez, c'est donc bien de bonheur, le championnat du club. De bon, pourtant, ça compte un gros mois de golf, au club de golf minimum, là. On peut même aller à 6 semaines. Pourquoi vous tenez ce bonheur de main? Ouais, effectivement, c'est parce que tous les clubs de la région, on a convenu qu'on faisait ça cette fin de semaine-là. Considérant que la fin de semaine de la fête du travail, la plupart des clubs au Saguenay et à Saint-Gédéon, ils ont des tournois à 2 balles meilleures balles, là. C'est sur 2 jours, le samedi, dimanche. Alors, ils nous ont demandé, ça fait plusieurs années, de tenir le championnat du club dans la deuxième boue, compte tenu que dans la troisième boue, c'est l'interclub. Puis, dans la première de septembre, là, puis ça donne souvent avec la fête du travail, c'est les tournois où les clubs reçoivent là, les 2 balles, meilleures balles, souvent régionaux. Alors, c'est la seule fin de semaine qui restait, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu tôt. Mais ça ne devrait pas être tenu quoi, autour du 22-23 septembre dans ces dates-là? Ben c'est parce que le 22-23 septembre, c'est l'inter... 22-23 septembre, oui, ça pourrait être là, mais souvent, au mois de septembre, la température ouais, c'est est sûr. Moins bonne. Mais cette année, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous fier là-dessus, là, ouais. Mais cette année, un petit primeur, il annonce du beau temps. Oui, effectivement. Il aurait fallu le faire au mois du juillet, on aurait pas été capable de... Non, effectivement. Hey, en passant, je faisais la chronique du club de golf de Chibougamau la semaine passée, puis à Chibougamau, on estime à 1 000 $ par jour les pertes entraînées par le mauvais temps. J'imagine qu'à Saint-Prime, c'est pas mal pareil? Pas capable d'évaluer okay. Ça, là. Faudrait que je le demande au directeur général, mais écoute, Danny, je vais être bien honnête avec toi, nous, on avait des réservations pour la journée au complet, puis le matin, quand il y avait la pluie, c'était le festival des cancellations, donc, c'est ça, pour, mettons, 60... Green Fee, là, 60, 70 parcours journalier à 40 $ parce que normalement c'est 42. Alors, effectivement, c'est plus que 1 000 $ par jour dans le monde. Là, t'as pas parlé des bars, t'as pas parlé des restaurations. Ces gens-là, normalement, après ça, ils partent pas, là, ils prennent une petite consommation, ils mangent un peu. 1 000 $, c'est conservateur, là. Oui, absolument. T'as tout à fait raison. Puis, c'est d'ailleurs ce que je disais à plusieurs personnes avec qui j'avais l'occasion de partager là, cette discussion-là. Je veux pas être prophète de malheur, mais je suis à peu près certain que la plupart des clubs de la région, sinon la totalité des clubs de la région, devraient faire des déficits cette année, compte tenu du mauvais temps qu'on a eu en juin. C'est incroyable. C'est fou comment on est dépendant de la température. Puis, tu sais, t'as bien beau dire septembre, c'est vous faire beau. C'est parce que c'est pas pareil. Il y a beaucoup de monde qui recommence à travailler. Ouais. Ben, les gens sont plus en vacances, donc on en a, mais pas comme pendant les 2 semaines des vacances de construction où, année après année, nous, on est complet ces deux semaines-là. Puis cette année, ben évidemment, comme je t'ai dit tantôt, c'était le festival des cancellations tous les matins. Parle-moi maintenant on va revenir au championnat du club, parce que là, on a bifurqué. Donc, il y avait 44 joueurs, je pense, c'est ça? Oui, 44 joueurs en fin de semaine à Saint-Prime sur le lac Saint-Jean, ce qui est très bon. Des participants, des compétiteurs dans toutes les classes. Et le grand gagnant de la classe 2A, donc le champion du club, c'est les hommes Dave Dumas. D'ailleurs, Dave Dubois est aussi membre à Dolbeau, puis il avait gagné le championnat du club à Dolbeau l'année passée. Et chez les femmes, Nathalie Kurtness qui a gagné le 2A. Championnat du club, ça donne-tu quelque chose? Ben, à part que félicitations, puis une bonne poignée de main, puis un beau trophée, y a-t-il des belles bourses rattachées à ça? Ben, c'est le représentant officiel après ça pour l'interclub, puis dans notre cas, il a droit à un... OK. Fait que, mais lui, il s'en va carrément au tournoi interclub, c'est ça, en fin de semaine. Donc, c'est pour ça un petit peu que... OK, je comprends. Ouais, lui, il n'y a pas de qualification pour aller à l'interclub dans notre cas, là. Il est qualifié systématiquement. D'ailleurs, Dave a aussi participé cette année... au Duc de Kent, à l'Alexandre de Tunis, au championnat amateur. Okay. C'est quand même pas si pire. Dans l'autre classe, tu l'as dit, Roger Simard, après ça, on va en parler? Ben, dans le A, Roger Simard, effectivement. Dans le B, Alain Simard. Dans le B, Fernand Rondeau. Chez les dames, Nathalie Kurtness, dans le 2A. Dans le A, Gaétan Leclerc. Puis dans les autres classes, les noms m'échappent, là, mais écoute, au besoin, je pourrais te rappeler. Mais c'est les principaux là, gagnants du championnat de semaine. Hey, à Dolbeau, il y avait des juniors en fin de semaine. Vous avez dit ça, vous, à Saint-Prime aussi? Nous autres, on a 52 inscrits au programme de développement. OK, mais il y avait comme un championnat du club. Mais on n'a pas de junior, c'est ça. Ils sont inscrits dans le programme de développement. Alors, d'ailleurs, Danny, je ne sais pas si tu le savais, mais les clubs de la région nous ont demandé de déposer notre programme pour un méritage régional, peut-être même provincial. C'est le programme de développement de la relève qu'on va... sur lequel on se permet en candidature pour un prix provincial. Donc, ça pourrait être intéressant également. Oui, on essaye de miser tout de suite sur le développement de la relève. Dieu sait qu'on en a besoin. Ouais. Parle-moi aussi du tournoi interclub en fin de semaine. Donc, c'est un gros tournoi interclub qui s'en vient. Oui, ben nous, vendredi, on a le tournoi 999, là, c'est-à-dire 9 trous, 27 trous, 3.9. On a le gros tournoi résolu jeudi et effectivement dimanche, c'est l'interclub, donc les 10 meilleurs de chaque club, les 10 meilleurs de Saint-Prime, qui vont compétitionner en match play contre les autres clubs de la région, là, il y a deux classes, le A et le B. Nous, on est dans le B. Normalement, celui qui gagne le B s'en va dans le A et celui qui finit dernier dans le A s'en va dans le B l'année suivante. On va en savoir davantage là-dessus. Autre chose à ajouter peut-être en terminant? Oui. Non, rien de spécial, sinon qu'on va espérer qu'il fasse beau, là, mais malgré que cette semaine, il annonce très, très beau. Alors, il faut espérer que les gens viennent nous voir en grand nombre. Parce que la grosse chaleur comme hier, là, c'est pas mieux non plus, là. Non, c'est vrai. Mais au moins, on n'a pas eu de cancellation hier. Puis même que la plupart des gens jouent en quart. Fait que c'est même bon pour le club. Okay. Parce que c'est sûr qu'ils se présentent, j'imagine, après aussi. Donc, ils se présentent de bonne heure, autrement dit. Ouais. Fait que c'est ça qui se passe. Ben, Rémi, on s'en reparle mardi prochain? C'est ça. Voilà, c'était la chronique du club de golf de Saint-Prime avec Rémi Kurtness.